Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Come, baby. I'm coming to get you. C'était Foxy Lady par The Jimi Hendrix Experience, paru sur le premier 33 tours du groupe en 1967, Are You Experienced? Vous l'aurez compris, ce Blues Covers va être consacré à Jimi Hendrix. Il est né James Marshall Hendrix le 27 novembre 1942 à Seattle, États-Unis, et il est mort le 18 septembre 1970 à Londres, Angleterre. C'est un auteur, compositeur, chanteur, bien sûr, et puis évidemment, fameux guitariste. Il a révolutionné l'approche de la guitare à la fin des années 60. Vous aurez aussi droit à un deuxième Blues Covers consacré à Hedgehog dans une future émission. C'est donc l'ancien bassiste des Animals, Chas Chandler, qui le découvre aux États-Unis et qui le fait venir à Londres en 1966. Le trio Experience est formé donc de Jimi Hendrix et puis de deux Anglais, Noel Redding à la basse et Mitch Mitchell à la batterie. Chas Chandler et Jimi Hendrix ont hésité entre Mitch Mitchell et Ainsley Dunbar, un batteur connu du milieu British Blues. Et bon, la petite histoire dit qu'ils ont tiré au sort une pièce lancée en l'air et c'est Mitch Mitchell qui a décroché le job. Jimi Hendrix étant décédé à 27 ans, il fait donc partie du fameux Club 27. Il est temps maintenant d'écouter quand même un peu de musique. Alors, nous allons découvrir quelques artistes français qui ont rendu hommage à Jimi Hendrix par leurs reprises ou compos. On commence avec Philippe Ménard en 1997. Voodoo Child, Philippe Ménard. Thank you. C'était Philippe Ménard au One Man Band. Eh oui, il a fait tout ça tout seul et en live. Maintenant, Mauro Ceri Trio. Mauro est un très grand fan de Jimi Hendrix et il lui rend hommage avec une composition qui s'appelle « Tu manques » sur son album enregistré au Cristal en 2002. Mauro Ceri Trio. Yeah. C'était Maro Seri Trio. Maintenant, un groupe parisien, francilien, Blues Power Band, sur leur premier CD en 2003, qui s'intitule Ball Breakers Associated. Ils nous proposent une version de feu, de fire. Ha ha ha. Blues Power Band, fire. Care about that. Got a new fool, ha, looking like that. I got only one burning desire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Oh, let me stand next to your fire. Oh, let me stand next to your fire. Oh, let me stand next to your fire. Tell mom at home that my concern. Play with me. I won't get burned. I got only one burning desire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. Let me stand next to your fire. C'était Blues Power Band. Toujours en région parisienne, l'ami Phil Bonin and the Blue Technicians. En 2007, sur le CD Before I Go, nous propose sa version très personnelle de Purple Haze. Phil Bonin. « I don't know why. Excuse me while I kiss the sky. Girl, put a spell on me. C'était donc Phil Bonin. Maintenant, TF Jazz. Toujours un groupe de la région parisienne, hein, remarqué au Tremplin Blues sur Seine, et leur CD paru en 2009 propose une reprise très très intéressante de Voodoo Child. Ah, c'est un morceau qui a dû être repris des milliards de fois à travers le monde. Mais là, c'est TF Jazz, un trio. Chop it down with the head of my hand. I stand up next to a mountain. Chop it down with the head of my hand. I'll build a peace, make an island. Might even raise a little sand. I'm a voodoo child, Lord knows I'm a voodoo child. Voodoo child, voodoo child, Lord knows I'm a voodoo child. daddy didn't mean to take the sweet time and give it all one of these days. I didn't mean to meet you in this world, meet you in the next. Don't be late, don't be late. I'm a voodoo child, voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child. Jazz. Et nous allons terminer ce Blues Covers consacré à Jimi Hendrix avec un groupe nordiste, Back to the Roots, qui a été lauréat de l'un des tout premiers tremplins Blues sur scène. Et là, c'est un album qu'ils ont publié en 2013 avec cette très belle version de Little Wing. Back to the Roots. Bye bye et à la prochaine. She's walking through the clouds in a circus mind that's burning right. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. She comes to me in a tithing smile. She gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. comes out, she comes to me. Yeah, in a talent smile, she gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. She ever thinks about reading with the wind. When I'm sad, she comes to me in a tavern smile. She gives to me free. It's a right. She said it's alright. Take anything you want from me. C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.